Chapitre 3e. 4 ans s'étaient écoulés depuis le jour où William avait mis le pied sur le port de Calais. Pendant ces 4 années, l'Europe entière fut émerveillée du talent d'un jeune virtuose qui semblait avoir le don des miracles, tant il avait de sonorité, de douceur, de suavité dans son archet. À voir son œil bleu chercher d'abord quelque sympathie dans l'auditoire, puis se lever au ciel, à voir ses cheveux blonds ondoyer autour de son col blanc et nu, à voir ses doigts délicats tirer du violon des sons pleins d'énergie, la bonne société de France, d'Italie et d'Allemagne se sentit tour à tour prise d'admiration et d'attendrissement. On se demandait ce que c'était que ce merveilleux enfant, déjà homme par son mérite, par la gravité de sa contenance. On eût voulu connaître son origine. On bâtissait 1000 histoires sur son compte. Mais comme l'usage de la langue italienne lui était devenu très familier, il ne répondait jamais qu'en cette langue aux questions dont on l'assiégeait et ne se donnait pas d'autre nom que celui d'Angelico. Monsieur Gérard, qui était pour lui un compagnon plutôt qu'un maître, se prêtait à cet innocent stratagème, sachant que William respectait par là les préjugés britanniques de Monsieur Campbell. Il s'était établi entre eux une espèce d'association toute fraternelle, toute artistique. Lorsqu'ils arrivaient dans une grande ville, ils y donnaient 2 concerts. Le premier, au profit des indigents, le second à leur propre bénéfice. 2 parts égales étaient faites, l'une pour M. Gérard, l'autre pour Angelico, ou plutôt pour William. Le bon marshal, caissier de la compagnie, tenait ses comptes avec un soin tout particulier. William, qui ne s'inquiétait jamais de ces détails, lui demandait seulement de temps en temps « Sommes-nous riches ? Pourrons-nous bientôt retourner auprès de mon père et lui rendre la joie avec la fortune ?» Marshall hochait gravement la tête et répondait « Pas encore. Il faut que nous donnions plus d'un concert avant que le but soit atteint. » William soupirait. Pendant quelques minutes, il reportait sa pensée rêveuse sur les êtres chéris éloignés de sa vue et de ses baisers. Puis, il reprenait courageusement son violon et se préparait par une étude opiniâtre à des succès nouveaux, c'est-à-dire au retour tant désiré. Mais enfin, les 4 années d'absence s'étaient écoulées. La caisse est décidément riche, avait dit Marshall. Chacun des associés prit son lot. M. Gérard, ayant voulu conduire jusqu'au port son élève, son fils d'adoption, lui dit adieu avec une émotion qu'il ne chercha point à cacher, en lui promettant d'aller bientôt le voir à Londres. Ah, comment décrire les impressions qui agitaient l'âme de William lorsque le vaisseau s'élança dans la direction de l'Angleterre. Il lui semblait être déjà au sein de sa famille. Il était heureux d'entendre tout le monde autour de lui parler anglais. Et sur les planches mouvantes du navire, il croyait déjà toucher le sol britannique. Marshall, de son côté, n'était préoccupé que du soin de veiller sur la précieuse cassette qui renfermait le fruit de 4 années de travaux. Sans rester un seul instant à Douvres, ils montaient dans une voiture qui devait les conduire jusqu'à Londres. Mais leur avancée et le mauvais temps les forcèrent de s'arrêter à 10 000 environ de cette capitale. Ils entrèrent dans la première hôtellerie d'un petit bourg. Mis bientôt en possession d'une chambre à 2 lits, William et Marshall s'assirent devant l'âtre chargé d'un charbon pétillant. On leur servit un souper auquel Marshall seul fit honneur. Quant au jeune homme, absorbé par ses pensées et tout ému de la joie qu'il devait goûter le lendemain, il n'avait pas la force de répondre au toast que lui portait son dévoué compagnon. Celui-ci, impatienté, s'écria « Allons donc, mon petit maître, du courage ! Quel sujet avez-vous de vous inquiéter ? Dieu merci » ajouta-t-il en frappant sur la cassette. La caisse est pleine et en bon état. Ainsi, à la santé de votre digne père, puissions-nous le retrouver aussi joyeux que nous le sommes nous-mêmes. » 1 quart d'heure après, Marshall, accablé de lassitude, s'était plongé dans son lit où il dormait du plus profond sommeil. William était assis devant la cheminée. Il avait éteint la lampe dont la clarté lui blessait la vue. Le charbon enflammé jetait dans la chambre des lueurs incertaines et fugitives. Tenant son front appuyé sur une de ses mains, le jeune artiste continuait de rêver à cette vie de gloire et d'enchantement qu'il avait menée depuis 4 ans, et à cette autre vie, moins brillante mais plus douce, celle de la famille qu'il allait bientôt retrouver, lorsque son attention fut attirée par un léger bruit qu'il entendit derrière lui. Une porte, donnant dans une autre chambre, s'ouvrit lentement. Un homme parut, il promena ses regards autour de lui, puis, persuadé que tout dormait, il s'avança sur la pointe du pied jusqu'à la table sur laquelle était déposée la cassette. William, à qui n'avait échappé aucun des mouvements du voleur, avait tourné la tête. Au même moment, la flamme du foyer jeta une lueur subite qui éclaira le visage de cet homme. « Ciel !» s'écria William. « C'est George, mon frère !» À ce cri, à cette voix connue, George demeura comme pétrifié. Le bras qu'il avait étendu vers la cassette était agité d'un mouvement convulsif. William se leva et, s'approchant du malheureux, lui dit, les larmes aux yeux, mais assez bas, pour ne point éveiller Marshall. « Ah, George, avez-vous pu oublier ainsi l'honneur de votre nom ? Que s'est-il donc passé en mon absence pour que vous soyez devenu un aussi grand coupable ? Quoi ? Pendant que je parcourais l'Europe, en donnant des concerts afin de réparer la fortune de notre famille, vous viviez dans le sein du vice ? Pauvre cher père, lui qui vous aimait tant et qui m'aimait si peu, quel serait son chagrin s'il venait à savoir ? Oh, mais George, vous redeviendrez digne de lui, n'est-ce pas ? Promettez-le-moi. » Mille sentiments se partageaient le cœur du frère aîné. La honte, l'orgueil, le remords. Il comprenait toute la supériorité morale de ce jeune homme qui le dominait du haut de sa vertu. Éperdu, n'écoutant plus que la voix de la conscience, il se jeta à genoux devant William, qui lui tendit les bras. « Non, s'écria George, non, je ne suis pas digne de votre baiser de frère. Mais rassurez-vous sur mon avenir. Je réparerai cette grande faute, la seule de ce genre que j'ai jamais commise et à laquelle m'avaient entraîné des pertes de jeu. Demain, je vous donnerai de mes nouvelles. » Et il sortit précipitamment, laissant William tout bouleversé de cette scène inattendue. Le lendemain, au point du jour, on vint prévenir les deux voyageurs que leur voiture était prête. William chercha partout George, ce fut en vain, il avait disparu.